Cantique chapitre 3. J'ai cherché durant les nuits sur mon lit celui qui aime mon âme, je l'ai cherché, mais je ne l'ai point trouvé. Je me lèverai maintenant, et je ferai le tour de la ville, par les carrefours et les places, et je chercherai celui qui aime mon âme. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai point trouvé. Le guet qui faisait la ronde par la ville, m'a trouvé. N'avez-vous point vu, leur ai-je dit, celui qui aime mon âme? À peine les avais-je passés, que je trouvai celui qui aime mon âme, je le pris, et je ne le lâcherai point que je ne l'ai amené à la maison de ma mère, et dans la chambre de celle qui m'a conçu. Fille de Jérusalem, je vous adjure par les chevreuils et par les biches des champs, que vous ne réveillez point celle que j'aime, que vous ne la réveillez point, jusqu'à ce qu'elle le veuille. Qui est celle-ci qui monte du désert, comme des colonnes de fumée en forme de palmier, parfumées de myrrhe d'encens, et de toutes sortes de poudres de parfumeurs? Voici le lit de Salomon, autour duquel il y a 60 vaillants hommes, des plus vaillants d'Israël. Tout maniant l'épée, et très bien dressé à la guerre, ayant chacun son épée sur sa cuisse à cause des frayeurs de la nuit. Le roi Salomon s'est fait un lit de bois du Liban. Il a fait ses piliers d'argent et l'intérieur d'or, son ciel d'écarlate, et au milieu il a placé celle qu'il aime entre les filles de Jérusalem. Sortez, filles de Sion, et regardez le roi Salomon, avec la couronne dont sa mère l'a couronné au jour de ses épousailles, et au jour de la joie de son cœur.